OK. RIFA, SISMA, 89-21. C'est la jeunesse des rues qui parlent, ouais, comme Nati, Saké, Zaka. Nous on a pris un bon départ, tu peux pas nous saquer, pas grave. Quand je rappe, moi je bédave et j'arrive sur le beat peinard. On est à peine arrivé que déjà tu me fais de la peine. Avertissement verbal pour tous ceux qui jactent et yak, les vrais qui savent. Il faut décrocher le jackpot dans le hall à racailler. Je lâche ma rage sur un cahier, tous ces microbes sont égarés car devant le micro c'est carré. J'arrive à fond décalé, tu peux ranger ta colère. Tu voudrais avoir la balle, mais t'es nu comme et tricolore. Moi j'écris dans ventre poule pour t'envoie toutes les couleurs. Si je finis mal accompagné, je finirai ma route tout seul, la corde au cou me fait tousser. J'écoute pas tous ces mythos, on carbure à la rime corsée, à la tise et au bédo. L'état nous mène en bateau, nous met des bâtons dans les roues. Dans la rue y'a que des bâtards, alors dissiparons-nous. 8-9-21, écoute, on prend le micro. Malgré nos gueules, mes crânes, on compte bien qu'écro. Y'a des rêves qui s'écroulent et des frères sous écrou. Donc on mitraille le micro tout en restant synchro. 8-9-21, écoute, on prend le micro. Malgré nos gueules, mes crânes, on compte bien qu'écro. Y'a des rêves qui s'écroulent et des frères sous. Donc on mitraille le micro tout en restant synchro. Tu la rage quand je débarque et puis embrasse les instrus. Je fais pas ça pour les bars, t'as qu'à me placer dans les intrus. Attachez vos ceintures et puis surtout serrez les biens. Et quand je te sors des mixtures, ça c'est pas du Cyrilignac. Où sont les monarques, tu sais tous ces gens démoniaques. Nous dans ce bise on a la niaque et Marie m'est indémontable. Indémontable comme le sont les montagnes. D'ailleurs on monte à pied car ils sont trop dans le monde chassa. Bleu des coups un peu comme devant les bars mat. Comme on débarque avec la même rage qu'au départ. Appelle-nous si tu veux, inculte si tu peux. Mais assure-nous de faire mieux, là les caméras sont des cieux. J'ai reçu l'invitation, je suis venu m'incruster sur le son. Pratiquer ma passion, voire provoquer l'agitation. Ça vient de Dijon et SENS pour Maxi Arriva. À tous ceux qui se disent qu'écrire un 16 c'est pas si dur que ça. 9-21, écoute, on prend le micro. Malgré nos gueules, mes crânes, on compte bien qu'écro. Y'a des rêves qui s'écroulent et des frères sous écrou. Donc on mitraille le micro tout en restant synchro. 9-21, écoute, on prend le micro. Malgré nos gueules, mes crânes, on compte bien qu'écro. Y'a des rêves qui s'écroulent et des frères sous écrou. Donc on mitraille le micro tout en restant synchro. Dehors c'est chaud, ça tire, on a tous des choses à dire. Y'a même des gosses à terre, tu vois que la haine sature. Habitué depuis petit peu à serrer la ceinture, les taux se resserrent à petit feu. Et tous nos rêves s'enterrent, mais faut faire preuve de courage ainsi que de volonté. Fini les vols honteux, charbonne si tu veux monter. La vie est pleine d'épreuves mec, alors fais gaffe au tac. Chaque jour faut faire ses preuves et passer les obstacles. J'avance et je fais ma route pendant que certains stagnent. J'avoue c'est pas marrant d'avoir la vie instable. Y'a comme un goût amer, et ça tu l'as senti mec. Car ici dans la merde, on s'enfonce par centimètres. Quand je vois tout ça, je capte pas, je suis comme dans un tunnel. Non, moi j'ai pas le bon délice, listen dans The Sentinel. Je me sentirais mieux, moins de centimes, plus de bif dans les poches. T'inquiète, je vais m'en tirer, je garde la foi pour la mif et les proches. 9-21, écoute, on prend le micro. Malgré nos gueules, mes crânes, on compte bien qu'écro. Y'a des rêves qui s'écroulent et des frères sous écrou. Donc on mitraille le micro tout en restant synchro. 9-21, écoute, on prend le micro. Malgré nos gueules, mes crânes, on compte bien qu'écro. Y'a des rêves qui s'écroulent et des frères sous écrou. Donc on mitraille le micro tout en restant synchro. J'écris bien souvent nos vies comme je descends les poubelles. Vu qu'il n'y a pas d'écart permis à part le shit et la bouteille. Fondu dans la masse comme le verre ou le fer. Je ne me démarque pas en venant faire le fier. Faible en arnaque mais plutôt dur dans ses vers. J'avoue parfois je suis cru sale, sombre et puis sévère. J'extrais de mon cahier la matière première de mon flow. Puis je me penche aveuglément sur la technique qu'il me faut. Quitte à varier les styles ou bien charrier l'estime que t'aurais à mon égard si je courberais les chines. Ok par ton pied les ondes percées tu es plié. Le son je parcourais tout l'horizon de ma feuille de mon bic est en mission. Le beat est ambitieux, ma voix s'écoule comme un ruisseau. Et si pour toi c'est cool alors tant mieux mais sors dans du buisson. Je pense tu crois que pour évacuer j'accuse. Ils te diront ça pue quand ils sentiront ma musique. 9-21, écoute, on prend le micro. Malgré nos gueules, mes crânes, on compte bien qu'écro. Y'a des rêves qui s'écroulent et des frères sous écrou. Donc on mitraille le micro tout en restant synchro. 9-21, écoute, on prend le micro. Malgré nos gueules, mes crânes, on compte bien qu'écro. Y'a des rêves qui s'écroulent et des frères sous écrou. Donc on mitraille le micro tout en restant synchro.